Vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL 89,1. Et nous allons terminer l'émission avec notre chroniqueuse Adeline Parent. Bonjour Adeline. Bonjour Valérie. Alors Adeline, tu vas nous emmener en Turquie aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, en fait, on va rester quand même un petit peu dans le même coin. On vient de quitter la mer d'Aral, donc la Turquie, grosso modo, de notre point de vue nord-américain, on est dans le même coin. Mais tu vas plus nous parler d'assèchement, mais de tremblement de terre. Parce que, la terre tremble quand même assez souvent en Turquie. Il y a eu un séisme le 23 octobre dernièrement, je pense. C'était à Van, donc dans l'est du pays. Exactement. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la terre tremble si souvent en Turquie? En fait, le séisme dont tu parles s'est déclenché il y a exactement 11 jours, le dimanche, à 13h41, heure locale, à l'est de la Turquie. Donc à 16 km au nord-est de la ville de Van, et sa magnitude est estimée entre 7.2 et 7.3, et la secousse a dû naître environ vers 20 km de profondeur. En fait, les dégâts sont très importants dans la ville de Van, qui compte environ 100 000 habitants. Mmh. On dénombrait 270 morts et plus d'un millier de blessés le lundi matin suivant. Et autour de l'épicentre, de nombreux petits villages ont été touchés, forcément. Les maisons sont pour la plupart construites en briques de terre et de paille séchée, appelées Adobe, comme le logiciel. Non, c'est logiciel comme le... Oui, c'est ça. Il est venu après, chronologiquement. Exactement. Et en fait, ces petites maisons résistent mal aux secousses sismiques. En fait, on peut donc effectivement s'attendre à ce que le bilan soit beaucoup plus lourd qu'estimé initialement. Ouais. En plus, c'est une région montagneuse. Van étant à plus de 1700 mètres d'altitude, il fait actuellement là, très froid. Donc les sauveteurs qui sont heureusement appuyés par l'armée, continuent à chercher et à dégager les victimes. Mais depuis cette secousse, il y a beaucoup de répliques, dont dernièrement, on en avait compté 35, avec une magnitude supérieure à 4. Donc on se doute que ça ne facilite pas du tout les recherches. Non, c'est ça, effectivement, ça doit aller. Ce qui reste de mur doit être très friable, oui, et doit juste demander à tomber. Exactement. Donc ça c'était un petit topo sur le dernier séisme, mais il y en a eu régulièrement. Donc pourquoi la terre tremble comme ça en Turquie? Comme tu dis, effectivement la Turquie n'est pas étrangère au tremblement de terre. Par exemple, le dernier tremblement de terre qui a eu une magnitude de plus de 7, a eu lieu en 99, près d'Izmit, bien plus loin à l'ouest de Van, entre Ankara et Istanbul, faisant plus de 17 000 morts. Et en fait, la Turquie se trouve à la jonction de plusieurs plaques tectoniques. La majorité du pays fait partie de ce qu'on appelle le bloc anatolien, c'est une sorte de microplaque qui est coincée entre plusieurs plaques. Alors, on va imaginer la Turquie au milieu. En haut, on a la plaque eurasienne. En bas, à droite, on a la plaque africaine, à gauche on a la plaque arabique, et tout à droite, au niveau de la mer Égée, on a une subduction appelée la subduction hellénique. La plaque arabique... Hélénique, on est en Grèce là. Oui, oui, c'est ça. Exactement, au niveau de la mer Égée, juste en dessous de la Grèce. La plaque arabique se déplace vers le nord et pousse la plaque anatolienne dans un mouvement antihoraire allant vers l'ouest. Elle est bloquée au nord par la plaque eurasienne qui sert de mur. Mais les deux plaques eurasienne et anatolienne glissent le long d'une faille transformante dextre. Alors, je vais l'expliquer tout ça plus tard. C'est des termes très géologiques. Du côté sud, la plaque africaine glisse sous la Turquie grâce à la fameuse zone de subduction, la subduction hellénique. Donc, la subduction, c'est quand il y a une plaque qui glisse sous une autre. Hein. Exactement. Donc si jamais je fais une comparaison. C'est comme si, en fait, on prenait dans la main droite, et droite est importante, un savon. On met nos doigts sous la plaque, comme si c'était la plaque eurasienne, nos doigts au-dessus du savon, et la paume sert de plaque arabique. Et si jamais on enlève le pouce et qu'on serre juste avec les petits doigts, en fait, le savon va glisser vers la gauche. Mm-hmm. D'accord ? C'est exactement ce que fait la Turquie. Elle switch vers la gauche. Oui. Elle part vers l'ouest parce que justement il y a la plaque arabique qui remonte et qui pousse tout ça dans un étau et hop, elle s'en va vers l'ouest. Exactement. Ouais. Donc il y a des failles en Turquie. Peux-nous nous donner des détails à ces sujets-là? Au niveau de la sismologie, la Turquie est l'une des régions les plus actives au monde. Il existe de nombreuses failles dites majeures qui affectent toute la lithosphère en fait. Donc c'est pour ça qu'elles sont majeures, parce qu'elles affectent la lithosphère bien profonde. La plus célèbre est la faille nord-anatolienne au nord de la Turquie, et celle-ci longe toute la chaîne de montagnes des Pontides jusqu'en Thrace, c'est-à-dire en Grèce. Nous avons également la faille est-anatolienne à l'est-sud-est, donc du côté est, un peu en bas de la Turquie. On a l'arc hellénique à l'ouest, la fameuse zone de subduction qui se trouve dans la mer Égée, et la faille de la mer Morte qui est direction nord-est, formant la limite de la plaque arabique et africaine. Sauf que le séisme du 23 octobre dernier s'est, quant à lui, produit le long de la frontière entre la plaque arabique qui glisse sous la plaque eurasienne, le long de la déformation, ce qu'on appelle Bitlis-Zagros, peu importe ce que c'est, mais pour certains, c'est la continuité de la faille nord-anatolienne, pour d'autres, c'est juste une limite de plaque par collision. Donc c'est un ensemble de failles indistinctes. La faille majeure reste et restera pour l'instant la faille nord-anatolienne, c'est une faille de type coulissante dextre. Alors, qu'est-ce que c'est coulissante dextre? elle est donc quasi subverticale et le bloc qu'on voit devant, en fait, part vers la droite et le bloc qui est le bloc anatolien, là, part vers la gauche. Ouais. D'accord? Principe du dextre. Sénestre, c'est l'inverse, en fait. Et la plaque située au nord de la faille, donc ce que je disais, part vers l'est et celle au sud, donc le bloc anatolien, part vers l'ouest. Les dernières secousses engendrées à ce niveau datent de 1999 et avaient fait plus de 32 000 morts. Les séismes d'Izmit ont eu lieu le 17 août 1999 et fut d'une magnitude de 7,4. Et celui de, alors ça se dit Doutzé, le 12 novembre suivant fut de magnitude 7,2. Ouais, c'est quand même des tremblements de terre majeurs à chaque fois. Voilà, exactement. Tout ça le long de cette même faille nord-anatolienne. Pour information, il s'agit de l'un des décrochements sismiques au monde les plus énormes. Il est comparable même à la célèbre faille de San Andreas aux États-Unis. Je me demandais, parce que bon, on connaît la faille de San Andreas, on entend plus souvent parler, on attend le Big One à San Francisco. Est-ce que je me demandais si on pouvait comparer ces ensembles de cette faille-là, la faille nord-anatolienne, c'est ça, avec la faille Saint Andreas? Oui, effectivement, on peut. Ouais. Et quelle est l'histoire géologique de cette zone? Alors, comme je disais, la plaque anatolienne est éjectée vers l'ouest en réponse à l'avancée de la plaque arabique et tirée en même temps vers le sud avec la crête et les Cyclades avec ce petit système de subduction là en fait. Ouais. Parce que la subduction, il y a une sorte de slab, une sorte de languette qui enfonce dans la lithosphère, dans le manteau, et en fait c'est aussi tiré en même temps, comme si on tirait des couvertures. Ah oui. Okay. Donc en plus d'être poussée, elle est tirée. Donc les îles qui sont en surface, elles ont tendance à. Donc la crête et les îles des Cyclades. Exactement. Cette histoire géologique commence au Crétacé il y a 100 millions d'années où il existait un océan appelé Tétis qui séparait la grande masse continentale de l'Eurasie au nord et une grande masse comprenant l'Afrique, l'Arabie et l'Inde au sud, donc au milieu de la mer. Il y a eu une convergence de direction nord-sud, donc ces plaques se rapprochent, et ça contribue en fait à la fermeture progressive des mers qui se situent au milieu. Pour finir, avec une énorme collision continentale sur plusieurs points, et la fameuse subduction de l'océan Néo-Tétis, donc l'océan qui disparaît sous une plaque. Donc cet océan aujourd'hui a disparu de la surface de la Terre, sous la chaîne du Zagros en Iran. Néanmoins, la Méditerranée actuellement reste le plus grand vestige de ce domaine océanique. D'ailleurs, les régions qui ont subi cette fameuse collision, nord-sud, sont marquées par d'immenses chaînes de montagnes, et on peut citer l'Himalaya et le Tibet pour le contact Inde avec l'Eurasie, et également les montagnes du Zagros, le plateau est-anatolien et le Caucase, ces trois-là, pour le contact Arabie avec l'Eurasie encore. Ouais. Ces mouvements importants qui ont débuté donc au tertiaire ont généré de nombreux et puissants séismes, donc c'est là d'où ça vient tout ça, et une activité volcanique très importante, et elle affecte d'ailleurs les trois quarts de la Turquie actuelle. Et est-ce qu'on peut craindre encore des séismes puissants dans cette zone? J'imagine que oui, le mouvement n'est pas terminé. Oui, effectivement, l'activité sismique historique laisse à craindre effectivement un séisme majeur. Il serait d'ailleurs de très grande magnitude, supérieure à 7. Il se passerait dans les décennies à venir, c'est une dizaine d'années, dans la région très peuplée d'Istanbul, c'est-à-dire dans la zone de la faille nord-anatolienne, encore une fois. Afin d'évacuer les risques possibles, un programme d'études franco-turc a été mis en place en mer de Marmara à partir de 1999. Et elle est où cette mer de Marmara et pourquoi donc en mer de Marmara? Alors Marmara effectivement est proche d'Istanbul. Et pourquoi Marmara? Parce que cette zone se situe le long, encore une fois, de la faille nord-anatolienne. Ah. Et c'est un bassin en fait en poule à part. Ce qui veut dire C'est un bassin qui s'ouvre avec une direction nord-est-sud-est pour celui-là en tout cas, au rythme du coulissement d'Est. C'est-à-dire en fait que le bloc en haut va à droite, le bloc en bas va à gauche, et il y a un bassin qui s'ouvre au fur et à mesure de la faille. Mmh. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça à la radio, mais ce serait de mettre ses deux mains, d'accrocher ses deux mains et de les ouvrir dans un sens inverse. En fait, on crée une sorte de creux, et donc ça crée la mer de Marmara. Ouais, d'accord. Bon, mais cette zone, en fait, le problème, c'est que c'est une lacune sismique. Donc. La Turquie. C'est quoi une lacune sismique? C'est un creux, c'est. Non, une lacune sans sismique. Ouais. Donc, okay. Sans sismicité, en fait, la Turquie a gardé des registres des différents tremblements de terre depuis ces trois derniers siècles. C'est ça qui est important en Turquie. Ouais. Et d'après ces registres, il y a eu un premier tremblement de terre, en tout cas les derniers dans cette zone-là, en 1912, à l'ouest de Marmara, donc sur la zone à gauche. Puis un autre en 57 à l'est. Un peu plus loin, on se rapproche de la mer de Marmara, on en a une autre en 1957. Un autre encore, celui d'Izmit, en 99. Mais toujours, dans la mer de Marmara, il n'y a toujours rien eu. Ouais. Ah, d'accord. Donc, d'après les études autour des contraintes de Coulon, on constate un relâchement des contraintes après un séisme, mais également l'augmentation de ces dernières contraintes aux extrémités de la zone de rupture. Donc, en gros, on crée des séismes qui relâchent les contraintes au fur et à mesure, le long de cette faille, en fait. Et c'est un peu un effet domino. On lâche les dominos, ils tombent, mais les dominos prennent Marmara, ils ne sont toujours pas tombés. Mm-hmm. Donc, on sait qu'il va y avoir un relâchement de contraintes extraordinaire dans la zone de Marmara. Et or, Istanbul se trouve pas loin. Mm-hmm. Donc, conclusion, les contraintes accumulées, qui est tout autour, mm-hmm. en fait, avec le relâchement des contraintes des séismes à droite et à gauche de la zone de Marmara, ils vont se relâcher d'un coup et provoquer un immense séisme près d'Istanbul. C'est quand même une province qui a une population de pas moins de 12 millions d'habitants. Ben oui, c'est ça. Donc, on s'attend vraiment au pire. Effectivement, il y a beaucoup de recherches qui se sont faites dans ce sens. Effectivement, les gens s'attendent à ça. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont créé un système qui, je sais pas, des normes sismiques ou peut-être éviter de construire des bidonvilles ou des choses comme ça. Moi, je crois pas. Donc, les plans d'urbanisme dans ces régions-là, j'aime mieux pas avoir trop de détails là-dessus. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, voilà. Il y a beaucoup de sismicité en Turquie. Oui, c'est une zone très documentée. C'est déjà un bon point pour eux. Documentée depuis trois siècles, d'ailleurs, grâce aux Turcs. Mais maintenant, voilà, la zone de Marmara et donc Istanbul, ils vont se prendre un grand séisme et... Donc ça veut dire, si je comprends bien, on attend le Big One à San Francisco, mais aussi celui à Istanbul. Eh bien, c'est exactement ça. Bien, merci beaucoup, Adeline. Bon, je pense qu'à Québec, en tout cas pour l'instant, on est sur un terrain relativement stable, donc on va être tranquille. Encore. Merci beaucoup, Adeline, pour cette visite de la Turquie également, parce qu'il a fallu quand même se positionner géographiquement. Il y a beaucoup de noms qui sont arrivés. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de termes. Donc on a fait une petite prévision de notre géographie. C'était une chronique spéciale géologue-géographe. Donc merci beaucoup, Adeline. Puis c'est d'ailleurs, c'est aussi qu'on va faire l'émission.